Exode chapitre 38. Il fit aussi de bois de sittim l'autel des holocaustes, et sa longueur était de 5 coudées, et sa largeur de 5 coudées, il était carré, et sa hauteur était de 3 coudées. Et il fit ses cornes à ses 4 points, ses cornes sortaient de lui, et il le couvrit d'airain. Il fit aussi tous les ustensiles de l'autel, les chaudrons, les racloirs, les bassins, les fourchettes et les encensoirs, il fit tous ses ustensiles d'airain. Et il fit pour l'autel une grille d'airain en forme de treillis, au-dessous de l'enceinte de l'autel, depuis le bas jusqu'au milieu, et il fondit 4 anneaux aux 4 coins de la grille d'airain, pour mettre les barres. Et il fit les barres de bois de sittim, et les couvrit d'airain, et il fit passer les barres dans les anneaux, aux côtés de l'autel, pour le porter avec elles, le faisant d'est, et creux. Il fit aussi la cuve d'airain, et son soubassement d'airain, des miroirs des femmes qui s'assemblaient par troupes, par troupes, à la porte du tabernacle d'assignation. Il fit aussi un parvis pour le côté qui regarde vers le midi, et des courtines de fin lin retors, de 100 coudées, pour le parvis. Et il fit d'airain leurs 20 piliers, avec leurs 20 soubassements, mais les crochets des piliers et leurs filets étaient d'argent. Et pour le côté du septentrion, il fit des courtines de 100 coudées, leurs 20 piliers et leurs 20 soubassements étaient d'airain, mais les crochets des piliers et leurs filets étaient d'argent. Et pour le côté de l'occident, des courtines de 50 coudées, leurs 10 piliers et leurs 10 soubassements, les crochets des piliers et leurs filets étaient d'argent. Et pour le côté de l'orient, droit vers le levant, des courtines de 50 coudées. Il fit pour l'un des côtés 15 coudées de courtines, et leurs 3 piliers, avec leurs 3 soubassements, et pour l'autre côté, 15 coudées de courtines, afin qu'il y en eût autant de sacs de là de la porte du parvis, et leurs 3 piliers, avaient, eux et leurs 3 soubassements. Il fit donc toutes les courtines du parvis qui étaient tout alentour, de fin lin retors. Il fit aussi d'airain les soubassements des piliers, mais il fit d'argent les crochets des piliers et les filets, et leurs chapiteaux furent couverts d'argent, et tous les piliers du parvis, furent ceints alentour d'un filet d'argent. Et il fit la tapisserie de la porte du parvis, de pourpre, d'écarlate et de cramoisi, et de fin lin retors, d'ouvrage de broderie, de la longueur de 20 coudées, et de la hauteur, qui était la largeur, de 5 coudées, à la correspondance des courtines du parvis, et ses 4 piliers, avec leurs soubassements, d'airain, et leurs crochets, d'argent, la couverture aussi de leurs chapiteaux et leurs filets, d'argent, et tous les pieux du tabernacle. Et du parvis alentour, d'airain. C'est ici le compte des choses qui furent employées au pavillon, savoir, au pavillon du témoignage, selon que le comptant fut fait par le commandement de Moïse, à quoi furent employés. Est-ce les Lévites, sous la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron, sacrificateur. Et Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit toutes les choses que l'Éternel avait commandées à Moïse, et avec lui Aholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan, les ouvriers, et ceux qui travaillaient en ouvrage exquis, et les brodeurs en pourpre, en écarlate, en cramoisi et en fin lin. Tout l'or qui fut employé pour l'ouvrage, savoir, pour tout l'ouvrage du sanctuaire, qui était de l'or d'oblation, fut de 29 talents et de 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Et l'argent de ceux de l'assemblée qui furent dénombrés, fut de 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Un demi-cycle par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire. Tous ceux qui passèrent par le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, furent 603 550. Il y eut donc 100 talents d'argent pour fondre les soubassements du sanctuaire, et les soubassements du voile, savoir, 100 soubassements de 100 talents, 1 talent pour chaque soubassement. Mais dès 1775 cycles, il fit les crochets pour les piliers, et il couvrit leurs chapiteaux, et en fit des filets alentour. L'airain d'oblation fut de 70 talents, et 2400 cycles, dont on fit les soubassements de la porte du tabernacle d'assignation, et l'autel d'airain, avec sa grille d'airain, et tous les ustensiles de l'autel, et les soubassements du parvis alentour, et les soubassements de la porte du parvis, et tous les pieux du pavillon, et tous les pieux du parvis alentour.